بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, aux chers frères, on verra le hadith 19, التاسع عشر. Si on a l'occasion de le terminer, inshallah ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. Selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète صلى الله عليه وسلم, qui dit éloignez-vous des sept péchés capitaux, السبع الموبقات. Ils ont été appelés موبقات, c'est-à-dire الموهلكات, les sept péchés qui vont entraîner les personnes, qui vont entraîner les gens dans la perdition. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors ensuite les compagnons ils disent, Ya Rasulallah, mahun. Et donc, au messager d'Allah, que sont ces péchés? Cite-les-nous. Alors, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ash-shirku billah. Donc, le fait d'accorder un associé à Allah, le polythéisme, wa sihr, la sorcellerie. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et le fait de tuer quiconque dont Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de le tuer sans droit. وَأَكْلُ الرِّبَا. Le fait de manger de l'usure. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. Et le fait donc de manger les biens de l'orphelin. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ. Le fait de fuir le jour de la bataille. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ. Al-Rafilat, Al-Mu'minat. Et le fait donc de calomnier et d'accuser de fornicatrices les croyantes qui se préservent et qui sont en même temps Rafilat, elles sont innocentes. C'est-à-dire elles ne pensent même pas à cela. Le fait de les accuser de fornication, hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i et d'autres. On avait dit que c'était un livre de Aqidah Manhaj. Sah ou lala? Taïb. Ici, le Cheikh nous cite un hadith qui concerne les grands péchés, Al-Kaba'ir. Un hadith qui concerne les grands péchés. Et pourtant, on a dit qu'on va étudier un livre dans lequel le Cheikh Rabi'a, Hafizahullah Ta'ala, a cité des hadiths qui concernent la Aqidah et le Manhaj. Et ça nous montre un point essentiel, aux chers frères. Barakallahu fikum. C'est qu'il fait partie du manhaj salafi que tu t'éloignes des péchés. Il fait partie du manhaj salafi que tu fasses attention à ne pas tomber dans les grands péchés, dans les turpitudes. Ce n'est pas normal qu'on a certains frères qui sont là, alhamdoulillah, je suis salafi, alhamdoulillah, noyés dans les grands péchés. Noyés dans les grands péchés. Il faut qu'on fasse attention, chers frères. Il faut qu'on fasse très attention. Le manhaj, c'est la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste le fait de connaître ça, c'est le khawarij, ça c'est tabliriya, ça c'est esh, c'est pas juste ça le manhaj. Ça fait partie du manhaj. Mais le manhaj, c'est vaste. C'est le mode de vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on accorde de l'importance à ce sujet. Les péchés, s'éloigner des péchés. Notamment que ces péchés, ces grands péchés, peuvent être la cause du fait que, par la suite, tu sortes du manhaj salafi. Ces grands péchés peuvent être la cause du fait que tu sortes de l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala, il cite ceux qui rejettent la vérité, ce qui traite de mensonge ces versets. Ce qui traite de mensonge les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala en disant que ce sont asatir al-awwalin, des contes anciens. C'est pas vrai ça. Et Allah il nous montre ce qui les a entraînés à cela. Il nous dit tabaraka wa ta'ala rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Leurs cœurs sont couverts de ce qu'ils ont accompli. Et donc, à force de faire des péchés, Ces péchés vont entraîner la personne par la suite, elles vont faire que cette personne ne saisit plus, elle ne comprend plus. Aujourd'hui, tu as certaines personnes qui ne comprennent pas, et ça on le verra, Inch'Allah, à la fin du hadith, certaines personnes qui ne comprennent plus le danger du mensonge. Ils ne comprennent plus le danger du kadhf. Oh non, Adi. C'est devenu Adi. Et donc, ces gens-là, tu peux leur ramener la parole d'Allah ou autre qu'ils ne comprennent plus. Il y a énormément de causes qui entraînent à cela. Parmi ces causes, il y a les péchés. Il y a les péchés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité tout d'abord ici al-shirk, le polythéisme. On a déjà vu plusieurs définitions liées au polythéisme. Taswiyatu ghayrillahi billah, le fait donc d'accorder un égal à Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors sarf shay'in min khasa'isillah li ghayrillah, le fait d'accorder à autre qu'Allah quelque chose qui est spécifique et propre à Allah tabaraka wa ta'ala. On a déjà vu donc dans les premiers cours donc le polythéisme de façon détaillée, et donc on ne va pas s'étaler dessus inshallah ta'ala. En sachant que le polythéisme reste quand même, ça c'est important, cher frère, le péché le plus grave qui a été cité dans cette liste. C'est le péché le plus grave. C'est le péché qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Et donc le polythéisme reste le péché le plus grave. Et attention, les grands péchés ne sont pas au nombre de sept. Il ne faut pas penser que les grands péchés sont au nombre de sept. Certains compagnons, parmi eux, Ibn Abbas, nous rapportent que « Il y a akrab ila sab'in » Ils sont plus proches de 70. D'autres savants qui ont dénombré, ils montent encore plus haut que 100. Et donc, les grands péchés, il y en a beaucoup, chers frères. Et c'est important qu'on apprenne quels sont les grands péchés. Ensuite, le deuxième péché qu'il cite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Al-sihru » la sorcellerie. Il n'y a nul doute, oh chers frères, quant à l'interdiction de la sorcellerie. Et certes, les savants sont unanimes. Il y a unanimité des savants sur ce sujet, l'interdiction de la sorcellerie. Mais est-ce que celui qui fait de la sorcellerie est mécréant? Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité dans son livre, donc, « فَإِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ » Certes, nous sommes une fitna, alors ne m'y crois pas. Et donc, c'est donc ceux qui enseignaient la sorcellerie aux sorciers, les anges qui leur enseignaient, leur disaient cela. Et donc, fais la takfur. Donc, les savants, ils ont abordé plusieurs sujets. Le sujet d'apprendre la sorcellerie, et le fait de pratiquer la sorcellerie, et le fait d'aller voir des sorciers. Apprendre la sorcellerie, c'est interdit, c'est de la mécréance. C'est de la mécréance. Le fait de le pratiquer, c'est de la mécréance. Les savants, ils citent une divergence ici entre Shafi'i et les autres ulema. Parce que les autres savants, al-Jumhur, ils voient que c'est de la sorcellerie, c'est de la mécréance, on sait tout. Il est cité de Shafi'i, rahimahullah, que lui, il voit que la sorcellerie, donc le sorcier, on ne le taxe pas de mécréance. Sauf si celui-ci accomplit un acte dans la sorcellerie qu'il fait, sauf s'il accomplit un acte qui l'amène à la mécréance. Et c'est là que d'autres savants le disent. Et donc, en réalité, il n'y a pas de divergence entre les ulémas. Il n'y a pas de divergence entre les ulémas. Pourquoi? Parce que le sorcier, lorsqu'il va accomplir sa sorcellerie, il va mécroire en Allah tabaraka wa ta'ala. Il va devoir accomplir des actes pour se rapprocher des djinns et des shayatins afin que ceux-ci lui obéissent. Et ces actes qu'il va accomplir sont des actes de mécréance. Et donc à partir du moment où celui-ci va faire cela, il va forcément tomber dans la mécréance. Voilà pourquoi beaucoup de ulémas aujourd'hui ils nous disent il n'y a donc pas de divergence entre les ulémas sur le fait que le sorcier est un kafir. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup ne citent pas cette divergence, ils te disent ajma'u, ils te disent ils sont unanimes les ulémas. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de contradiction entre la parole de Shafi'i et la parole des autres ulema. Tout ça pour montrer la gravité de cet acte. La gravité de cet acte, le fait de pratiquer la sorcellerie. Est-ce que toute personne qui va voir un sorcier est mécréante. Non. Si la personne croit en ce que fait le sorcier ou en ce qu'il dit, c'est-à-dire la personne, elle croit que ce sorcier a la capacité de changer la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne, elle sort de l'islam. Cette personne, elle sort de l'islam. Les savants, ils nous disent, si cette personne n'a pas cette croyance, mais qu'elle va voir ce sorcier pour faire du tort, pour faire une injustice à un autre, cette personne-là ne sort pas de l'islam, mais elle est dans un grand danger. Elle est dans un grand danger. Est-ce qu'une personne peut être récompensée en allant voir un sorcier? Oui. Celui qui va voir le sorcier pour le dévoiler. Il va le voir pour le dévoiler. Se fait passer pour un client, pour que le sorcier soit à l'aise, que le sorcier montre bien que c'est un sorcier, et une fois qu'il a bien montré que c'est un sorcier, il le dévoile. Il le dénonce. Celui-ci, il a fait un khayr, parce que les sorciers, il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Ils sèment le désordre sur terre. Et ensuite, il y a un point essentiel au Shafka, c'est que ces sorciers-là peuvent salir l'islam chez les gens. Comme beaucoup viennent avec des noms, hein, Mamadou, ou le grand sorcier Babacar, ou etc., etc., à se faire passer pour des musulmans, et les gens vont associer la sorcellerie à l'islam, comme c'est le cas aux Antilles. Aux Antilles, hier, je parlais de ça avec un Guadeloupéen. Chez nous, en Martinique, c'est le même cas. Guadeloupe, même chose. Les gens les associent la sorcellerie à l'islam. À cause de quoi? À cause des sorciers. Des sorciers qui se disent musulmans. Et donc, les gens, ils ne voient ça que chez des sorciers qui prétendent l'islam. Et donc, ils ont fait le lien entre les deux. Et ça, c'est... Ça montre la gravité de cet acte. C'est vraiment grave. En plus de la mécréance que tu fais, en plus de cette mécréance, tu rajoutes à cela le fait de salir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il n'y a nul doute, aux chers frères, quant à l'interdiction de ce péché et le fait que c'est un grave péché. En sachant que tout ce qui se passe, donc ce sorcier ou ces djinns, ils ne peuvent faire du mal, ils ne peuvent faire du tort à quiconque sans la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui se passe ici-bas dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà pourquoi nous tous, au Shafkar, barakallahu fikoum, nous devons faire attention à revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, à nous accrocher à notre Seigneur. À nous accrocher à notre Seigneur. C'est très important. Beaucoup, lorsqu'ils entendent parler de sorcellerie, de sihr, etc., ils sont terrifiés, ils ont peur, et vont s'accrocher aux êtres humains, aux rapi. La semaine dernière, il y en a un qui est venu à la mosquée. Un qui est venu, oui, on m'a fait du sihr, etc., etc. Je lui ai dit, t'habites où? Pour savoir si tu pourras revenir, etc. Tu habites où? Il me dit, j'habite à 5 minutes à pied ici. 5 minutes à pied ici, pendant 2 ans, je ne t'ai jamais vu à la mosquée. Je ne t'ai jamais vu à la mosquée pendant 2 ans, t'habites à 5 minutes à pied? Ouais, je sais, mais... Ah, on se rappelle de la mosquée quand on est touché par le sihr. Quand on est touché par le sihr, là, on se rappelle, il y a quelque chose qui s'appelle mosquée. On se rappelle d'un acte qui s'appelle salat. Et donc, il ne faut pas qu'on tombe, aux chers frères, dans ce genre d'égarement, parce que c'est un égarement. Ces gens qui délaissent totalement la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne se rappellent d'Allah tabaraka wa ta'ala que lorsqu'ils sont touchés par une épreuve et vont s'accrocher à un individu, à un être humain, à un raqi, pensant que c'est lui leur sauveur. Ensuite, le Cheikh Rabi'a Hafizahullah, donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la sorcellerie, il nous cite un autre grand péché, c'est le fait de tuer toute âme, le fait de tuer quiconque Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de le tuer. Et donc ça c'est une parole qui est générale. Elle englobe le musulman et le non-musulman. Elle englobe le musulman et le non-musulman. Il est donc interdit, aux chers frères, le meurtre est interdit en islam. Le meurtre est interdit en islam. Et donc aujourd'hui, aux chers frères, une personne ne peut pas affilier, associer ce genre de crime à notre belle religion. Elle ne peut pas associer ce genre de crime à notre belle religion. Voilà pourquoi il est important que nous, les salafis, nous défendions cette religion. Car comme vous voyez, notre religion elle est attaquée de toutes parts. Les incroyants cherchent à salir notre religion à cause des agissements des terroristes, à cause des agissements des ignorants. Alors qu'il y a eu aussi, chez les chrétiens, pendant une longue période durant laquelle il y avait des terroristes chez les chrétiens. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont oublié cela. Et dès qu'il y a un meurtre, ils vont taxer la religion musulmane qui, elle, est innocente de ces agissements. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit cela. Il a interdit le fait de tuer injustement les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith aussi. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a » Et donc celui qui tue une personne bighayri nafsin, c'est-à-dire sans que celle-ci n'ait tué quiconque. Ici on a la loi du talion. La loi du talion, comme on a déjà vu, c'est une loi qui est appliquée par le gouverneur. Ce n'est pas à toi d'aller voir la personne qui a tué un de tes proches et de le tuer. Non, tu vas voir le gouverneur et c'est lui qui doit s'en occuper. Sinon, c'est le désordre. C'est le désordre. Ah, pourquoi tu l'as tué ? Parce qu'il a tué ma soeur. Ou il a tué un de mes proches. Etc, etc. Et donc, pour éviter ce désordre, Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre clairement que c'est le gouverneur qui se charge de l'application des lois. Et donc, celui qui tue cette personne sans qu'elle n'ait accompli de meurtre, ou sans qu'elle n'ait semé le désordre sur terre, c'est comme si elle a tué tout le monde. Le fait de tuer une personne, c'est comme si tu tues tout le monde. Et cela donc, oh chers frères, ce péché est grave. Et les savants parfois, souvent, ils nous citent un élément, subhanallah, le danger dans lequel vont tomber les takfiris. Ils nous disent, le fait de taxer quelqu'un de mécréant est plus dur que le fait de tuer cette personne. Lorsque tu vas taxer une personne de mécréance, tu affirmes donc que ses héritiers n'ont pas droit à son héritage. Tu vas priver à cette personne, tu vas faire que cette personne n'a plus d'autorité sur ses enfants, sa fille, son mari, sans son autorisation, et autres, et autres, et autres, et autres. Et donc, ô chers frères, nous devons faire attention à tomber dans cette forme aussi d'égarement, le fait de taxer les gens de mécréance injustement. Subhanallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité aklur riba, donc le fait de manger l'usure. Ce qui est voulu ici, c'est qui c'est qui mange l'usure? Qui est voulu par cela? Aklur riba, celui qui mange arriba, l'usure. Les biens usuraires. Non. Est-ce que c'est celui qui va faire un prêt, on va lui prêter de l'argent pour qu'il achète une maison? Est-ce que c'est lui qui est Akilur Riba? Ou celui qu'on appelle Akilur Riba, c'est celui qui va lui prêter l'argent et qui va donc être remboursé par la suite par une quantité plus grande? Les deux? Celui qui prête. Celui qui prête ou celui qui emprunte? Les deux. Celui qui prête, Akilur Riba. Celui qui emprunte, comme il a été cité dans un autre hadith, dans Sahih al-Bukhari, c'est Mu'kilu, celui qui lui donne à manger. D'accord? Akilur Riba, celui qui mange ses biens de façon illicite. Mu'kilu, celui qui lui donne à manger. D'accord? C'est lui qui va donc rembourser sa dette et payer donc cet argent qui est illicite. Ce péché est grave, car Allah tabaraka wa ta'ala, il a déclaré la guerre à ceux qui ne délaissent pas ce péché. Il a déclaré la guerre. Celui dont lui vient une exhortation de son Seigneur et qui délaisse cela, alors Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à qui il veut. Allah pardonne ses serviteurs. Il est celui qui pardonne tous les péchés. Mais par contre, celui qui ne délaisse pas ce péché, alors Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit « فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ » Alors qu'il soit prêt à une guerre venant d'Allah et de son messager. Et donc un péché dont Allah tabaraka wa ta'ala cite que celui qui l'accomplit, Allah lui déclare la guerre. Cela nous montre la gravité de ce péché. Et beaucoup, lorsqu'ils vont entendre cela, ils vont sûrement penser que ce sujet, il concerne el-akil, celui qui mange, c'est-à-dire celui qui va emprunter. Non, ce sujet concerne aussi el-mukil, comme cela a été cité dans Sahih al-Bukhari. La'ana Allah akil al-riba wa mukilahu. Allah tabaraka wa ta'ala a maudit donc celui qui mange l'usure et celui qui lui donne à manger. Les deux. Dans d'autres hadiths, donc dans d'autres recueils, dans Sunan, comme Nasa'i et d'autres, wa shahidei, ainsi que les deux témoins, wa katibei, ainsi que les deux qui vont écrire. Et donc ce péché est grave. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se font conseiller et sont donc prises par leur passion et prises par l'amour de l'argent. Il nous faut absolument une maison ou autre, ils ne vont pas délaisser le péché. Après que le conseil t'est donné, si tu ne délaisses pas ce péché, alors tu tombes dans une situation qui est grave et lourde. Il est vraiment important, chers frères, que les salafis s'efforcent de conseiller les gens sur ce sujet. Vous voyez autour de nous, les gens, ils prennent pour beaucoup du moins, des fatawas de personnes qui vont rendre licites ces agissements, l'usure. Et donc, il est important, chers frères, barakallahu fikoum, qu'on fasse des efforts pour aider nos proches, nos oncles, nos tantes, hein, nos cousins, nos voisins, à délaisser ce genre de péché. À délaisser ce genre de péché. On va continuer, inshallah ta'ala, le hadith, bismillah, demain. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا